بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. كالله عز وجل فاس que cet audio tombe entre les bonnes mains et soit écouté par les bonnes personnes et qui me protège de l'ostentation. C'était un peu pour répondre à certains frères qui pensent que je suis à la recherche de popularité. C'est assez drôle, hein. Ça me fait rire d'avoir ce genre de préjugés sur son frère et de ne pas être dans le bon soupçon. C'est des gens qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, ils ne savent pas pourquoi je fais ce type d'audio et qui se permettent de venir juger et anticiper mon intention de devenir une star du net. C'est marrant. C'est la première fois que... Enfin, ils m'ont mis l'idée en tête. J'avoue, je vais y penser. Je vais peut-être créer un fan club, prendre des lunettes de soleil, me... Je sais pas moi, jouer des claquettes. Bref. Soyons sérieux. Astaghfirullah ya Rabbi. Donc je voulais parler en plus de sujets très très sérieux en fait concernant la Oumma encore une fois. Hein, j'essaie modestement, petite poussière que je suis, petit ignorant que je suis, d'essayer de développer des questions, de réfléchir sur des thèmes qui pourraient éventuellement intéresser certains musulmans et musulmanes sincères en islam, qui craignent Allah Azza wa Jal et qui tentent de suivre la sunna de notre noble prophète alayhi salatu salam, et surtout qui tentent d'avoir une vision claire sur l'islam authentique, l'islam des véridiques. Et parce qu'il n'y a qu'un, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas des dizaines et des centaines, il n'y a qu'un seul groupe, il n'y a qu'un seul type de savants, ceux qui craignent Allah, ceux qui sont sincères avec eux-mêmes, ceux qui se remettent en question et ceux qui ne passent pas leur temps à débattre sur des évidences comme, je sais pas, la hijra, comme... le voile, comme la mécréance de certains, les paroles de mécréance ou les actes de mécréance de certains musulmans, l'apostasie de d'autres musulmans, l'innovation de certaines organisations, le complot qui se joue à travers le monde contre l'islam. Voilà, je parle à des gens qui sont, alhamdoulilah, éclairés, qui ont un minimum de discernement. Les autres, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. C'est Allah Azzawajal qui guide qui il veut et Allah n'est pas injuste, donc il guide les gens qui sont justes, les véridiques et sincères. Les autres, ça fait des années qu'ils traînent dans des sites islamiques, ça fait des années qu'ils lisent des livres islamiques, ça fait des années qu'ils sont musulmans et ils n'ont pas évolué, voire ils ont reculé, voire c'est devenu quasiment des égarés. Des gens qui se mettent à soutenir des innovateurs, des criminels comme Bachar al-Assad, des gens qui se mettent à soutenir des savants du palais, des gens qui disent que le jihad et l'obligation de se défendre et de défendre la Oumma, ça fait partie du jihad du shaitan et du jihad organisé par les sionistes, par les juifs, par l'empire. Alors que Allah Azzawajal les contredit lui-même et le prophète alayhi salatu salam à travers tous les hadiths nous garantit bien évidemment qu'il y aura un groupe jusqu'à la fin des temps qui ne lâchera pas les armes et qui continuera le jihad fi sabilillah et que le Mahdi alayhi salam va arriver et que l'armée du Mahdi sera prête à l'accueillir et qu'ils vont écraser le dégel et qu'il y aura un khilafa qui va se rétablir partout dans le monde avec le retour de Isa alayhi salam. Donc toutes ces choses-là, toutes ces armées-là, tous ces frères-là, fi sabilillah, les mujahidines accompagnés de leurs savants authentiques, sont élevés et sont soutenus par Allah Azza wa Jal et ne sont pas financés par des sionistes, par des Américains, par des je ne sais quoi. Bien évidemment qu'il en existe des milices privées, bien évidemment que ça complote de tous les côtés, mais nous, nous devons nous accrocher à ce que l'islam authentique nous décrit à travers les textes sacrés et nous accrocher aux prophéties, aux savants véridiques et à nos livres. On ne doit pas suivre des, on ne doit pas devenir des soraliens, on ne doit pas devenir des LLPistes, on ne doit pas devenir des morsistes, On ne doit pas devenir des elnadistes, on ne doit pas devenir des séentistes ou des hasselistes. Hein. J'utilise les is-ist parce que c'est la mode en ce moment de parler d'islamistes, d'extrémistes, de khawaristes. Bref, excusez-moi, je suis pas très sérieux dans cet audio, mais je pense que au bout d'un moment, vu le niveau que la Ouma, certains éléments de la Ouma atteignent, on est obligé de prendre ça à la rigolade. Sinon, on finit en dépression. Je voulais vous parler en fait d'une affaire qu'une sœur m'a racontée, qui m'a troublé, et avec plein d'autres histoires. Et c'était pour vous décrire un peu encore une fois l'état de la communauté, à quel point on peut perdre beaucoup de temps avec des frères qui se disent des frères de science, qui se disent des gens. C'est des gens qui écrivent des livres, qui font des dors, qui réfléchissent, qui méditent, etc. Mais qui sont extrêmement orgueilleux, extrêmement techniques dans leur domaine, et qui sont, enfin, par conséquent, ils sont très très ignorants sur le reste des sujets qui peut concerner la Oumma. Donc ces gens-là, vu qu'ils sont très fermés sur un seul sujet, on peut dire en quelque sorte que c'est en partie des ignorants, parce que comment on peut comprendre la religion, comment on peut comprendre l'islam, comment on peut vouloir établir la justice divine partout dans le monde si on n'a aucune connaissance de ce monde-là en question, si on n'a aucune connaissance géopolitique, stratégique, économique, politique, enfin. Scientifique, sociologique, tout ce que vous voulez, environnemental. Il y a des gens qui sont extrêmement ignorants sur toutes ces questions-là et qui pensent qu'ils sont sur le vrai parce qu'ils connaissent les références islamiques et les bouquins islamiques. Alors que vous le voyez bien que à travers leurs conclusions, qui sont complètement à côté de la plaque et qui prennent les choses systématiquement à l'envers. Et cette sœur m'a donné l'exemple d'un frère, donc de science, qui est arrivé à la conclusion tout seul. Hein, il est arrivé tout seul à cette conclusion-là. Personne ne l'a poussé. Il n'y a pas de fatwa, pas de groupe et tout. Lui tout seul, il s'est excité tout seul dans son coin. Et il a réussi à, en gros, faire une mini-fatwa à lui tout seul. C'est même pas un savant ni rien. Et arriver à la conclusion que se marier religieusement en islam, c'était se marier à la mairie, à la mairie française en fait, devant un maire républicain. Et c'est un frère, attention, mashallah, hein, il porte la barbe, sunna, il craint Allah, il parle des livres de référence, il développe des questions extrêmement complexes et tout ça. Mais il arrive sur cette question à dire que plus besoin de faire un mariage religieux, plus besoin d'imams, plus besoin de témoins musulmans, que à partir du moment où on habite en France, on se soumet à la législation de là où on habite, hein, mashallah, on se soumet à la France, à ses lois humaines, à ses maires, aux témoins mécréants qui sont là, au contrat de mariage inventé par ces hommes et ces femmes, par ce gouvernement, et que à partir de là, on n'avait plus besoin derrière les musulmans très pratiquants, sunna, jilbab, niqab, comme vous voulez en fait, vous n'avez plus besoin à partir du moment où vous passez devant la mairie de vous marier religieusement. Et il est même arrivé à la conclusion que se marier à la mairie intégrait le mariage religieux islamique à l'intérieur. Mashallah, mashallah, mashallah, mashallah, mashallah. C'est des frères, quand vous les voyez, quand ils parlent de science, vous êtes impressionnés, hein. Mais quand vous arrivez à certaines questions sensibles, très très très très sensibles concernant la Oumma, comme l'alliance et le désaveu, al-wara wal-bara, le tawhid, l'unicité en Allah, la hijra, le jihad, le désaveu total de cette politique, de cette société, de ce système de mécréance, le dépassement de soi, les épreuves, Tout en fait, toutes les questions extrêmement sensibles dont on a besoin de parler aujourd'hui, voilà, au niveau de la Oumma, même les questions concernant la fin des temps et concernant le Dajjal et tous les signes qu'on peut voir autour de nous, c'est des gens qui ne sont plus là. Là, à partir de ce moment-là, quand vous leur posez des questions qui peuvent faire avancer la Oumma, il n'y a plus personne. C'est même pas, ils vous donnent pas de réponse, ils vous donnent des réponses opposées à ce qu'ils devraient donner. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de hijra, il n'y a pas de jihad, on se soumet aux lois, on passe par la démocratie pour faire vaincre l'islam authentique. Pas besoin de prêcher le désaveu, pas besoin de prêcher la lutte armée, la rébellion et la charia. Pas besoin de tout ça en fait. On suit ce que le Dajjal, ce que ce système démoniaque nous met à disposition. Voilà la stratégie de ces gens, de ces musulmans, pour vaincre en 2013 en fait. Et ils ont une obsession, je l'avais fait remarquer également, alhamdoulilah, ils ont une obsession en fait en tête, c'est ils veulent absolument, ils ont une obsession, c'est de absolument convertir les gens en fait. On est 1,55 milliard de musulmans et eux, leur obsession, c'est de vouloir vendre un islam bouddhiste, un islam christianisé, un islam de victime, un islam de vendu, un islam de... Je n'arrive même pas à trouver les mots tellement c'est... Voilà, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Donc eux, leur seul but à ces gens-là, en fait, c'est de vendre un islam qui n'en est pas un islam, comme je vous ai dit, christianisé, de paix. C'est-à-dire qu'on nous bombarde pendant des décennies, on a pris toutes nos terres, aucun khilafa n'est mis en place, aucune charia n'est appliquée, à part des charias vitrines, Walt Disney, comme en Arabie Saoudite, etc. Eux, leur seule priorité, c'est de continuer à dire aux mécréants, aux hypocrites, aux ignorants, que l'islam, c'est une religion de paix. Et qu'ils devraient venir vers l'islam parce que c'est la paix. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. La religion, l'islam est une religion de paix et de justice uniquement si en face de nous, nous avons la paix et la justice. Et on n'est pas des gens qui tendons l'autre joue. Donc ces personnes-là, au lieu d'essayer de s'occuper des 1,55 milliard de musulmans, 550 millions de musulmans, et de leur prêcher un islam authentique et d'essayer de reformer la base et les fondamentaux de l'islam du prophète alayhi salatu salam. Non, ils continuent à mettre de côté cet islam-là pour vendre un islam de vendu, un islam christianisé aux mécréants. Et ce qui leur importe plus, c'est le regard des mécréants, c'est le regard des juifs, c'est le regard des ignorants sur l'islam, au lieu de s'occuper des affaires de la Oumma, des affaires des musulmans, et de dénicher et de dénoncer tous les complots qui se jouent dans cette Oumma. Donc voilà leur souci à eux. Leur souci, c'est de plaire aux mécréants et de ne pas réformer l'islam dans le fond, de ne pas revenir à l'islam des premières générations. Et ces gens-là sont extrêmement dangereux pour la Oumma. Il faut les combattre, il faut les dénoncer. Il faut ne pas les écouter jusqu'au bout parce qu'ils ont des esprits, un esprit de larbin, un esprit de soumission face au Tarout, face aux États mécréants et ils n'apporteront strictement rien à l'islam comme ils n'ont pas apporté en réalité cette dernière décennie parce que oui effectivement on n'a pas cessé d'augmenter, il y a eu de plus en plus de musulmans mais voilà la qualité de ces musulmans. Voilà la qualité de ces musulmans. Il y a 1,55 milliard de musulmans, mais ils ne servent à rien en général. On va dire que l'islam est protégé par maximum dans le monde 100 000 hommes, 100 000 hommes, 150 000 hommes, des lions et des femmes lionnes qui les accompagnent. On va dire 200 000 personnes, grand maximum, dans le monde entier, qui sont très attachés et très jaloux pour cette religion. Le reste, c'est voilà, c'est de la quantité, quoi. Et ce n'est même pas sûr qu'on soit considéré encore comme étant musulman aux yeux de la législation islamique et on ne se rend pas bien compte des responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Voilà, c'était juste un petit rappel pour vous dire, en gros, j'ai pas pu développer toutes mes idées, mais pour vous dire, faites attention de ne pas vous diriger vers un islam de vendu et de ne pas écouter les musulmans, même ceux qui se disent très savants, qui ont un état d'esprit de vendu et de larbin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaikum.